money in the club, bottle full of bug. My mind got what you need if you need to fill the bars. I'm in the having sex, I ain't in the making love, so come. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 12 temps, faut que ça pisse, faut que ça gicle. Musique en bas de sang, faut que ça braque, ça défonce les oreilles de trou duc. Tout comme tonton Alphonse, moi je ne chante pas. La morale de Papy Hardcore.